peux suivre la voiture rouge pour dépasser la première voiture? Oui, réponse A. Non, réponse B. Les deux voitures? Oui, réponse C. Non, réponse D.